Je ne connais de l'enfance que son royaume de ciel à flaque d'errance. Je ne connais de la jeunesse que son cri de vertige nocturne. Je suis d'une rumeur d'avant-ciel, d'un impossible jour. Je suis du verbe et de la souffrance. Je suis le respirant. Je vis au cœur des mots qui sont mon ventre. Je visite tout ce qui chante. Là se trouve ma vigueur. Au-dessus de l'océan simple, là, je scintille neuf.